Mon aubergine, j'aimerais te dire I love you à Sao Paulo. Mon aubergine, j'aimerais te dire I love you à Saint-Pétersbourg. Mon aubergine, j'aimerais te dire I love you à Singapour. Mon aubergine, j'aimerais te dire I love you à Saint-Malo. La KS. Mon aubergine, j'aimerais te dire I love you à Marseille. Ah non. Mon aubergine, j'aimerais te dire I love you à New York. Mon aubergine, j'aimerais te dire I love you en Angleterre. Mon aubergine, j'aimerais te dire I love you au Canada. Et mon aubergine, j'aimerais te dire I love you à Mexico. Bravo. C'est une pure merde. TGV. Ah, TGV. Alors là, ça va te plaire. Ah, ça, tu les as jamais entendus. Oh, bah, s'ils sont si nuls que les autres, ça va me plaire. T'inquiète pas, va. Bon, ben, ça a intérêt de te plaire. Allez, d'accord. Mon TGV, j'aimerais te faire des câlins dans un 747. Mon TGV, j'aimerais te faire des câlins dans un 767. Mon TGV, j'aimerais te faire des câlins sur un A340. Mon TGV, j'aimerais te faire des câlins sur le Concorde. Mon TGV, j'aimerais te faire des câlins sur un S340. Mon TGV, j'aimerais te faire des câlins sur un A320. Mon TGV, j'aimerais te faire des câlins sur un A300. Mon TGV, j'aimerais te faire un câlin sur un Bombardier. Mon TGV, j'aimerais te faire des câlins sur un A330. Et mon TGV, j'aimerais te faire des câlins sur un A310. C'est pas mal, c'est de la merde. Non, il est pas mal, c'est de la merde. Ah non, ah, si, c'est de la merde. 20 ans.